Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? À l'air à ça, pas personne qui a dit non. On va débuter avec un mot de prière. C'est souvent ce que je recommande à chaque fois qu'on regarde la parole de Dieu. Puis là, on l'oublie des fois parce qu'on est sur Zoom. Mais ne vous en pas, j'ai prié avant maintenant. Là, mais je veux dire, je trouve que c'est important qu'ensemble on prie. Pour que la parole de Dieu puisse faire vraiment son effet dans nos vies. Seigneur, je vais prendre un temps vraiment, on va s'humilier ensemble puis reconnaître que c'est ta parole. Ta sagesse est beaucoup plus grande que notre sagesse. Hein. Autant tes pensées sont élevées, autant les nuages sont élevés au-dessus des cieux que tes pensées dépassent les nôtres et de beaucoup. Et Seigneur, sans ton Saint-Esprit, sans ta sagesse, sans l'intelligence que tu nous donnes pour se réjouir dans ta parole, Seigneur. La parole nous semble dure des fois, mais il y a souvent des bénédictions pour ton peuple à l'intérieur de ta parole. Fait que bénis-nous, Seigneur. Bénis chacun de ceux qui vont participer à cette rencontre-là ce matin, qui ont étudié cette parole avec toi, avec ensemble. Et glorifie-toi dans ton peuple. Et Seigneur, je te demande une grâce supplémentaire, fait qu'il n'y ait pas d'interruption comme la dernière fois là, où j'ai été débarqué, je ne sais pas pourquoi. Ça fait qu'afin qu'on puisse être en continu jusqu'à la fin de l'enseignement. Amen. On est rendu au chapitre 30 dans le livre d'Ésaïe. On n'a pas encore atteint la moitié c'est 33. Bien que la division en chapitre n'est pas nécessairement la moitié du texte lui-même, là, mais ce n'est pas grave. Et la semaine passée, Gilles a fait le chapitre 29 dans lequel le chapitre commençait par « Malheur ». Et le chapitre 30 commence aussi par « Malheur » et le chapitre 31 qui suit est aussi par « Malheur ». Commence aussi avec un « Malheur ». Ce matin, Gilles a lu le texte dans Matthieu, les Béatitudes, où c'est heureux, heureux, heureux, heureux, heureux, là, 9 fois, 10, presque 10 fois, je pense. Et on est dans une partie du livre d'Ésaïe où c'est plutôt le contraire. C'est malheur, malheur, malheur à des personnes qui ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. En guise d'introduction, je vais vous partager mon écran, là, ça devrait fonctionner. Vous voyez mon écran? Tout le monde? Là, vous êtes passé dans mon écran d'en haut. C'est que je suis obligé de regarder en haut pour vous voir. Oui, Christian, c'est correct. Ça va? Hein? OK. Le passage qui va nous servir ce matin, regardez un fil conducteur, c'est, je l'ai pris dans 2 Timothée 4, 3 à 4. C'est un passage qui vise notre temps à nous et celui qui s'en vient d'ici à ce que le Seigneur revienne, dans lequel l'apôtre dit à celui avec qui il a beaucoup travaillé pour établir les églises, Timothée, il lui dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Docteur ici, vous remplacez ça par enseignant, là, une foule de maîtres. Selon leur propre désir, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Et c'est un peu ce qu'on va voir ce matin dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30. Dieu met la vérité devant son peuple et son peuple va devoir faire le choix de s'appuyer sur la vérité ou sur la saine doctrine. Ce n'est pas appelé saine doctrine dans le livre d'Ésaïe, là, mais ça veut dire la même chose. Ça va être un peu notre ligne directrice aujourd'hui, là, de voir à quel point Dieu a tout fait pour qu'on s'appuie sur sa parole. Et sa parole devient véritablement la base, le roc, et on sait que Jésus est comparé à la parole de Dieu, devient le roc sur lequel on doit s'appuyer pour avancer dans le temps où on est placé, nous. Bon, il ne peut pas changer. Oh. Je vous l'ai dit, le chapitre 29 commence par malheur, 30 et 31 aussi. Le chapitre 30 comporte deux parties. Les versets 1 à 17, c'est la récrimination de Dieu ou de l'Éternel à l'égard de ses enfants rebelles qui prennent des résolutions sans sa volonté. Et le verset 18 à 33, la fin du chapitre, c'est plutôt la grâce que Dieu désire exercer envers son peuple. Fait que c'est ces deux parties-là qu'on va regarder. Pour bien comprendre le chapitre, il faut le repositionner un petit peu dans la chronologie. On sait, Isaïe, c'est quelqu'un qui a été qui a suivi la chronologie des rois. Vous avez les rois, vous voyez ma souris là, qui se promène? Oui. Fait que Isaïe a commencé du temps du roi Ozias. Il a reçu son appel du temps du roi Ozias. Ozias, c'est celui qui est ici, là, qui finit quelque part là. Et l'année de sa mort, il reçoit l'appel de la part de Dieu pour être envoyé vers son peuple, pour annoncer des choses à son peuple que son peuple n'écoutera pas. Et Dieu l'envoie quand même, parce qu'il veut quand même parler à son peuple. Après le roi Ozias, c'est le roi Akaz, qui est un très mauvais roi, idolâtre, qui fait des alliances avec des idoles, mais surtout avec des peuples étrangers. Et Ézéchias, lui, c'est le fils d'Akaz, a grandi avec Akaz jusqu'à temps qu'il devienne roi à la place d'Akaz, son père. Et on se trouve maintenant, dans le livre d'Ésaïe, du temps du règne d'Ézéchias. Et le règne d'Ézéchias est marqué par un événement extrêmement important qu'on va voir au chapitre 36. C'est l'invasion de l'Assyrie, Sennachérib, qui va envahir Juda. Et ça se passe quelques années après, quelques années, puis pas beaucoup d'années, après le chapitre 30. Le chapitre 30 est donné au peuple de Juda ou d'Israël, au peuple de Dieu, avant que l'événement arrive. Et ça va être, ça va faire partie de son épreuve de revenir à la parole de Dieu, s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc, si on regarde un petit peu la prochaine slide, c'est la carte. L'Empire d'Assyrie est à son maximum à ce moment-là. Voyez-vous, là, Jérusalem, même Ascalon ici, il a déjà été conquis par l'Assyrie. Il reste Jérusalem, Lachish, ou Lachish, ou Lachish, ça dépend comment il se prononce. Il reste ça là, dans le royaume de Juda. Puis au moment où, du chapitre 36, Lachish va déjà être attaqué par Sennachérib et il va déléguer une armée, une immense armée avec Rabshakeh de 190 000 hommes pour venir conquérir Jérusalem. Fait que ça, c'est le contexte du chapitre 36. Mais ce qui a précédé le chapitre 36, il y a des petits événements qui ont amené à ça. Fait que, je ne vais pas faire plus longtemps là-dedans. Maintenant, pour voir le contexte un petit peu de ça, il faut aller voir dans le livre des rois. Je n'ai pas l'intention de faire avec vous le tour complet de tout ça, ça serait trop long, c'est en dehors de ça. Mais juste revenir sur le règne du roi Akaz. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur, ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie, de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Akaz est roi de Juda. La Syrie et le Samarie, avant qu'elle tombe, attaquaient Juda. Il faisait du tort. Et là, Akaz, lui, qui ne s'occupe pas vraiment des affaires de Dieu, décide de faire une alliance avec le roi d'Assyrie. Et il lui envoie des paysans. Et il se soumet à lui. Le roi d'Assyrie l'écouta et monta contre Damas. Il prit et amena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Retsin. Retsin, c'est le roi de Syrie. Ça se passe du temps du roi Akaz. Akaz va mourir. Ézéchias, lui, c'est un roi qui a vraiment un zèle profond pour la cause de Dieu. Il fait plein de réformes. Il sort les idoles. Il brûle les cultes. Et il fait plein d'efforts pour rétablir. Même jusqu'à organiser, je pense, une Pâque en invitant tout ce qui reste de Juifs à venir célébrer la Pâque à Jérusalem. Maintenant, Et l'Éternel fait avec Ézéchias ce qu'il réussit dans toutes ses entreprises. Et ici, il y a une petite note qui est faite dans 2 Rois 18:7. Il se révolta contre le roi d'Assyrie. Il ne le fit plus assujettir. Qu'est-ce que vous pensez que ça va entraîner? Ça va entraîner le roi Assyrie de sortir avec son armée puis de venir attaquer Jérusalem puis de se débarrasser pour une fois pour toutes de cette ville rebelle, selon lui, là, de cette ville rebelle. Donc, on voit ici que l'Éternel est avec Ézéchias et en étant avec Ézéchias, il permet même que Ézéchias se révolte contre le roi d'Assyrie, ce qui va entraîner le sujet de notre texte ce matin, vous allez voir. Ça va se concrétiser jusqu'à ce que Rabshakeh soit présent devant Jérusalem avec une armée de 190 000 hommes et que tout le monde est comme enfermé dans la ville, ne sachant pas ce qui va arriver. D'une façon absolue, je veux dire, mais de façon... Et on voit que c'est l'Éternel qui est à la base de tout ça, qui est en arrière de tout ça pour amener son peuple à lui faire confiance. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez voir, quand on va lire 36 à 39, c'est ce qui va se passer. On va lire faire une lecture commentée du texte. Je l'ai divisé en 5 morceaux, puis on va commenter entre les morceaux. Fait que si vous avez votre Bible, vous voulez suivre en même temps, c'est toujours la même version. Ésaïe 31 à 7. « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon. » Pharaon, c'était le roi de l'Égypte. « Et cherchait un abri sous son ombre, sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Déjà, ses princes sont à Tsoan et ses envoyés ont atteint Anaïs. » Ici, là, ça réfère à Israël, à ceux d'Israël qui ont voulu mettre leur confiance en l'Égypte pour se sortir du problème de la Syrie. Tsoan, là, c'était la ville où Moïse a négocié la sortie d'Égypte avec le peuple. C'était une ville importante à ce moment-là. Anaïs, je ne sais pas où elle est, là, mais quelque part aussi en Égypte. Et déjà, il y avait des envoyés et des émissaires qui avaient été envoyés pour faire alliance avec l'Égypte pour avoir une force militaire à opposer à la Syrie. Voyez-vous là le raisonnement humain là, qui prend le dessus? Là. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor à un peuple qui ne leur sera point utile. Évidemment, pour faire alliance, il faut emmener des cadeaux. Habituellement, ça coûtait très cher en termes de richesse. Et là, Dieu conclut cette partie-là du chapitre 30. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Et ça va dans le sens du verset qu'on a déjà lu dans Ésaïe. L'homme, je vais le dire de travers, vous m'aiderez. Se confier dans l'homme, c'est se confier, je ne le dis pas comme il faut. Là. J'ai deux versets qui se font combattre, qui combattent dans mon esprit. Là. C'est maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Je ne sais pas si c'est dans Ésaïe ça, ou dans les proverbes. Christian, 2.22. 2.22? Oui. Bon, c'est dans Ésaïe. Si vous allez voir en Ésaïe 36, 4 à 6, quand Rabshakeh, on rapporte les paroles de Rabshakeh, le général de l'armée du roi d'Assyrie, qui est devant Jérusalem avec son armée, Rabshakeh leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? » Verset 6. « Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour ceux qui se confient en lui. » Rabshakeh, qui est un étranger, qui n'est pas quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu, était au courant qu'il y avait eu des tractations de Judas vis-à-vis l'Égypte, et ici, il dit même c'est Ézéchias. On n'a pas de preuve de ça dans la Bible, mais Il y a eu sûrement des pressions à l'intérieur de Juda avant qu'il soit devant les murs de Jérusalem, prêt à détruire Jérusalem, pour qu'il puisse dire ça ici à Ézéchias. Donc, on revient au chapitre 30, que Dieu a donné avant cet événement-là, pour que Juda se reconnaisse là-dedans. Juda ou le peuple d'Israël ou le peuple ou les enfants de Dieu se reconnaissent là-dedans. Comprenez que Dieu permet à l'épreuve d'arriver, c'est lui qui bénit Ézéchias, qui l'amène à se rebeller contre le roi d'Assyrie, qui amène le roi d'Assyrie devant Jérusalem à combattre. Tout ça, là, Dieu n'a pas opposé d'opposition, n'a pas empêché que la chose arrive. Par contre, il leur a donné sa parole avant, et sa parole, on va la voir là, à quel point il va insister dessus. Là, c'est l'autre section. Et le point qui m'a frappé, moi, c'est le verset 8. « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. » Quand Ésaïe a reçu son appel au chapitre 6, Dieu lui a dit « Va et dis à ce peuple. » Et ils ne t'écouteront pas même après que tu vas leur dire des vérités. Maintenant, ici, Dieu donne l'ordre à Ésaïe d'écrire. Est-ce qu'il a écrit tous les 30 premiers chapitres à ce moment-là? C'est clair que Dieu lui a demandé d'écrire, parce qu'on n'aurait pas le livre d'Ésaïe, on n'aurait pas les paroles que Dieu a prononcées à travers ce prophète-là. Fait, va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre. Et particulièrement quand Ézéchias va être pris devant, avec Rabshaké devant Jérusalem. Il ne pourra pas dire « je ne le savais pas » ou « je n'ai pas vu » ou « je n'ai pas entendu Ésaïe le dire ». Non, Ésaïe ici a reçu l'ordre d'écrire et de le faire connaître. Et pour nous aujourd'hui, parce que ça a été gravé à perpétuité, hein, Dieu dit « afin qu'elle subsiste dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité ». Ça veut dire jusqu'à aujourd'hui, c'est la même parole. Car c'est un peuple rebelle, verset 9. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, des choses agréables. Prophétisez-nous des mensonges, des chimères, n'importe quoi, mais pas la vérité. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole et que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui. Ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé. Un peu les saillies là, qui, à un moment donné, deviennent instables et dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise le vase de terre que l'on casse sans ménagement. Vous avez pris un pot de poterie, vous le jetez à terre sur une roche, ça va éclater en 1000 morceaux. Et les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Autrement dit, c'est une œuvre de néant qui ne sert plus à rien. Ici, il faut comprendre que ce n'est pas l'Égypte qui est... Ce n'est pas l'Égypte ici qui est en cause comme telle, c'est l'appui sur l'Égypte. Et l'appui sur l'Égypte, ça dépend des enfants de Dieu, des enfants du peuple de Dieu. Le peuple ici veut s'appuyer sur quelque chose d'autre que l'Éternel. Et Dieu dénonce cet appui-là. L'Égypte, ce n'est pas un pays plus saint ni moins saint. C'était pas, non, c'est le fait qu'on a voulu s'appuyer sur l'Égypte sans s'appuyer sur Dieu. Et c'était une tentation pour Ézéchias quand est arrivé le temps où l'Assyrie est venue attaquer Jérusalem. Il a dû faire un acte de foi, faire un choix. Par contre, le peuple, 125 ans plus tard, va faire la même chose. Au lieu de s'appuyer sur l'Éternel, il va chercher des appuis dans tout ce qui reste quand ça va être le temps où Nebuchadnezzar va venir attaquer Jérusalem, il va la prendre, il va la brûler. Et ils vont répéter la même erreur qui ont failli répéter au moment où Ézéchias a été attaqué, pas Ézéchias, mais Israël, Jérusalem a été attaqué par la Syrie. Ésaïe 6:9, là, c'est l'appel d'Ésaïe, va et dit à ce peuple, par rapport à va, écrit dans un livre, là, écrit ces choses, va maintenant écrire ces choses devant eux sur une table, c'est juste pour vous montrer. L'appel de Dieu se précise encore plus avec Ésaïe. Ésaïe 21 et 4 à 6. L'année où Tartan, envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vient assiéger Ashdod. À ce moment, au moment où on lit le chapitre 30, Ashdod a déjà été pris par l'Assyrie. Il s'en empara. De même, le roi d'Assyrie emmènera de l'Égypte et de l'Éthiopie captifs et exilés, les jeunes hommes et les vieillards, nus et déchaussés, le dos découvert à la honte de l'Égypte. Alors on sera dans l'effroi et dans la confusion à cause de l'Éthiopie en qui on avait mis sa confiance et de l'Égypte dont on se glorifiait. Et ici, l'accusation est sûre, encore une fois. Israël. Je viens d'appeler Christian, il va essayer de se reconnecter, on va l'attendre quelques minutes si vous voulez. Landry, tu pourrais revenir avec la diapo, hein? Là où on est rendu dans le texte. Là. Merci. Je vais le prendre dans mes documents pour l'afficher. Il devait être rendu à la sixième peut-être, là où il y avait Ésaïe 20. Il y avait Ésaïe 6 en tête. Mm-hmm. Et ensuite, il y avait Ésaïe 20, verset 1, 4 à 6, là, qui était rendu sa diapo. OK. Donc, ce qu'on doit se rappeler jusqu'à maintenant, c'est que Christian est en train de parler de en qui Judas met sa confiance. C'est de ça dont il est en train de parler. Et je prie que Christian puisse terminer son enseignement. Oui, yeah. Celle-là, Landry, c'est correct. C'est là qu'on était.

tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Sur toute haute montagne et toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau au jour du grand carnage, à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera les blessures de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction. Et comme un morse trompeur entre les mâchoires des dents. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte. Pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Je suis de retour. Avec mon cellulaire, par contre, j'ai perdu l'Internet ce moment. Christian, on était dans la lecture du chapitre 30, on était rendu au verset 29. Oui. Donc, si tu veux reprendre là où tu veux, c'est à ta guise, OK? Oui, j'essaie de voir. C'est vous autres qui avez affiché le texte, hein? Oui. OK, bon, ben, j'étais rendu, je ne sais plus à quel numéro d'acétate, là. J'ai juste à dérouler devant moi, parce que là, je ne suis pas capable d'afficher mon texte. En tout cas, je ne l'ai pas imprimé maintenant. Est-ce que tu te souviens l'essentiel du message que tu veux communiquer, et avec les applications, peut-être? Oui, mais je vais dérouler. J'avais plus beaucoup à dérouler. D'accord, je te laisse. Donc, tu pourras me donner les directives pour que je puisse avancer quand tu le veux. OK. On était dans la deuxième partie, là, du texte. Il y avait une acétate qui allait après ça. Là. OK. OK, je reviens juste encore une fois. C'est ça? Oui. C'était okay. Là que je... OK, on avait lu la référence à Ésaïe 20. Là. Évidemment, Dieu avait préparé, j'étais en train de dire que Dieu avait préparé d'avance ce qui allait arriver du temps des Écasses, qui va venir après le chapitre 30. OK, passe à l'autre acétate. Vous avez lu le texte ici, fait que je ne le relirai pas. Ce que j'ai mis en bleu, c'est un des points importants parce que Dieu dit quelque chose ici de fondamental. Il dit, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans l'attente qui a été le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et, mais vous ne l'avez pas voulu. Le peuple répond d'une façon, pas seulement par une personne, mais le peuple en général n'a pas voulu se confier dans le calme et la confiance. Puis pourtant, Dieu dit un peu plus loin, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et à partir du verset 18, Dieu n'est plus en train de récriminer contre son peuple, mais est en train de lui annoncer comment il va lui faire grâce, de quelle façon il va lui faire grâce. Va à l'autre acétate. Des réflexions là, sur la troisième partie. Ésaïe 7,4. Sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétin de la Syrie et du fils de Remalia. Ça, c'est avec le roi Akaz, un roi idolâtre. Dieu est en train de lui dire ici, garde, confie-toi en moi, là, et tu vas voir que je vais m'occuper de ces deux rois qui te font de la misère. Akaz, il n'a rien appris de ça. Il a continué à faire ce qu'il voulait faire avant, puis il est resté rebelle à Dieu. En Ésaïe 26, 3, 4, le prophète va dire à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et on peut faire un parallèle ici avec Philippiens 4, 4 qui a, jusqu'au verset 7. Pour nous, c'est la même chose, même genre de combat qui personnifie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ça veut dire, peu importe ce qui nous arrive, que ce soit une pandémie, que ce soit une guerre, que ce soit une catastrophe, le Seigneur nous demande d'avoir confiance en lui dans ces circonstances-là. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est difficile d'être doux quand ça va mal. Combien d'entre vous se sont aigris des différentes mesures qu'on nous a imposées pour la COVID, pour la pandémie? Et on doit apprendre à ne pas s'inquiéter de rien, mais en toute chose, à faire connaître nos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, alors vos pères, vos pensées en Jésus-Christ. C'est la même manière de dire les choses que Dieu dit à Ésaïe pour le peuple de Juda. Il y a d'autres passages là, qui viennent après, tu peux passer à l'autre étape. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Matthieu 6, 24, 27, on a vu Matthieu les béatitudes tout à l'heure avec Gilles, mais dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres. Hein, nul ne peut servir l'Éternel et en même temps se confier dans l'Égypte ou dans les richesses. Ici, c'est les richesses qui sont en ligne de mire dans Matthieu 6, 24, car ou il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent rien dans leur grenier. Votre Père céleste est nourri. Ne veillez-vous pas pour plus que. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Celle-là, en bas, là. Qui? Par ses inquiétudes. S'inquiéter, là, outrageusement par rapport à faire confiance à l'Éternel, c'est comme mettre sa confiance dans l'Égypte. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas anticiper certaines choses, mais dire que je vais m'en faire et m'en faire et m'en faire jusqu'à pas faire confiance à Dieu, il y a un combat ici. C'est ça qui est le point. 1 Timothée 6, 8 et 17. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ne pas mettre notre espérance dans nos richesses. Ça, c'est une des grandes faiblesses qu'on a dans notre siècle. On a des richesses. On a, comme la Terre n'en a jamais, les hommes sur la Terre n'en ont jamais eu dans le passé. Même les plus pauvres parmi nous ont des richesses. Nos maisons sont pleines de biens, de toutes sortes d'affaires, de souvenirs auxquels on s'attache. Et de richesses. Et c'est un piège pour nous. Parce que dès qu'on menace ça, on menace notre sécurité et on commence vouloir se détourner de Dieu, à faire confiance dans toutes sortes de moyens humains pour ne pas perdre ces privilèges-là qu'on a. Et ce faisant, c'est facile de tomber dans le piège de l'Égypte. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Souvent, le dernier qu'on consulte, c'est l'Éternel ou c'est le Seigneur. Ici, c'est déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre. Pourquoi dire être sobre? Ici, ce n'est pas l'alcool qui est en cause. C'est que les inquiétudes affectent le mental. Les inquiétudes affectent la sobriété, la joie qu'on a d'appartenir au Seigneur. Tout ça, c'est affecté par les inquiétudes. Donc, soyez ça, veillez. Votre adversaire, le diable, parce que quand on est inquiet, on est une proie facile dans les mains de l'adversaire. Et le diable rôde comme un lion rugissant. J'ai une petite image qui me permet. Cherchant qui il dévorera. Tu peux tourner à l'autre aspect. Là aussi, les bénédictions de Dieu continue, c'est toujours dans le chapitre 30. Ça va dans le sens des versets. Oh, t'es revenu en anglais. Vous l'avez lu, je ne relirai pas. Ce qui est en bleu, c'est alors il répandra la pluie. Alors Dieu va apporter des bénédictions. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Le but, Dieu, quand il permet une épreuve, pour tester notre foi, pour faire grandir notre foi, pour nous amener à véritablement se confier en lui. Il faut voir la vie qu'on vit actuellement de la même manière. Des fois, c'est des épreuves personnelles. On a perdu quelqu'un, un être cher, la mortalité dans nos familles. Des fois, c'est des épreuves qui affectent toute l'Église. Et actuellement, c'est une épreuve qui affecte toute l'Église. L'Église dans le monde entier est affectée par l'épreuve actuelle. De toutes sortes de manières, le monde intervient dans les affaires de l'Église. Et l'Église a comme perdu de la liberté de Dieu. Et est-ce qu'on va se décourager? Est-ce qu'on va s'inquiéter à outrance? Quand on lit les prophéties, on n'aura pas le temps de le faire ce matin. Quand on lit les prophéties, c'est exactement ce à quoi on est destiné actuellement. À être des témoins dans un temps où on va perdre des privilèges. Ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras ou qu'on ne fait rien, mais je veux dire, notre appui n'est pas dans nos capacités humaines. Ça nous dépasse. C'est un contrôle mondial qui est en train de s'établir sur toutes sortes de choses. Et se rebeller, ça ne sert à rien. C'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. C'est véritablement qu'on reste des témoins. Qui faisons confiance à Dieu. On va avec la prochaine. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera, l'Éternel frappera de sa verge à chaque de verge qui lui est destinée, et que l'Éternel fera tomber sur lui, il entendra les tambourins et les larmes. L'Éternel combattra contre lui à main levée depuis longtemps un bûcher préparé. Il est préparé pour le roi, il est profond et il est vaste. Son bûcher, c'est le feu. C'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel en ce qui concerne la Syrie, on va le voir. Rabshakeh, il va se moquer de l'Éternel. Ézéchias, Ésaïe et le peuple vont persévérer dans la saine doctrine que Ésaïe va leur avoir écrit précédemment dans le chapitre 30. Ça va avoir été un combat, mais ils vont le faire. Et Dieu va accorder une délivrance extraordinaire. Rabshakeh, avec ses 180 000 soldats, vont tomber raide mort. Et le roi d'Assyrie, quand il va apprendre la nouvelle, il est en train d'attaquer Lachish. Il va prendre ses pattes à son cou, il va s'en tourner dans son pays, ou il va mourir dans son pays, par la main de ses fils. Et la Syrie va cesser d'être une puissance dominante qui fait peur à tout le monde à cette époque-là. Maintenant, cette expérience-là de Judas, malheureusement, ne sera pas perpétuée plus tard quand il va arriver d'autres épreuves. Et quand le peuple va continuer à marcher dans l'idolâtrie, à s'éloigner l'harmonie de l'Éternel et de sa parole, surtout, plutôt que de se confier dans sa parole. Il va se confier dans toutes sortes d'idoles, toutes sortes de dérivatifs. Et ça va entraîner la... ça va entraîner jusqu'à la déportation à la situation actuelle d'Israël. On ne parlera pas de ça aujourd'hui. Par contre, on va aller vers la question que je vous laisse. Est-ce que notre tranquillité repose sur les promesses de Dieu? On va, entre parenthèses, la saine doctrine, comme disait Timothée, ou sur nos inquiétudes, ou sur le génie humain, les richesses, la nourriture, le vêtement, entre guillemets, l'Égypte. Est-ce qu'on se repose sur l'Égypte ou est-ce qu'on se repose sur les promesses de Dieu? Et ça, c'est une réponse qu'on peut donner en groupe, mais qu'on doit donner aussi individuellement, tous et chacun. Je vous laisse discuter de ça. Et je vais essayer de vous rejoindre entre-temps là, de manière plus traditionnelle. Ça va, j'ai terminé. Tu peux départager l'écran. Il me semble que nous devrions faire un chant. Et le chant que le groupe a enregistré, il vient d'un groupe d'enfants de Dieu. Et ce chant-là dit « Seigneur, tu es là ».